Daniel, je sais pourquoi. Chapitre 2, mes premières visions. Je commençais à voir. Allais-je m'apercevoir de ma mort ou de mon endormissement? Cela devait cesser. Mais les gémissements continuaient et les soupirs interminables. Je me sentais comme envahie d'eau. Mais jusqu'où cela irait-il? Pourquoi ce manège macabre et cette incitation à la démence? L'idée de Dieu vint souvent à mon esprit, mais jamais je ne ressentis son existence. Le noir persistait et le paradis était un amour impossible. Mon abrutissement transformait tout ceci en un son indéfinissable qui finit par s'arrêter. Une transition nette entre un bruit ininterrompu et le bourdonnement du silence. Ma vue fut à ce moment totale et je perçus, volant dans le ciel, un immense tube surmonté de deux ailes métalliques avec deux flammes et de la fumée noire. Mon être entier fut alors attiré en arrière. Devant moi s'étendait un étrange paysage où aucun arbre ni buisson ne venait assombrir ce ciel bleu, presque blanc. L'herbe n'existait plus et de larges marques étaient peintes à terre. Le sol était de pierre, surmonté de lanternes lumineuses d'où s'échappait une lumière qui s'allumait et s'éteignait. Une immense tour, à la façon féodale, s'érigeait vers le ciel, coiffée de grands boucliers paraboliques tournés vers les lointains espaces. Des machines survolaient cet espace et j'entendis en moi. « Tu es sur un aéroport et les avions sont un formidable moyen de transport. » De mon vivant, j'avais bien entendu parler de machines volantes, une sorte d'utopie. Je raisonnais d'une manière instinctive et intuitive. Je me souvenais des quelques gravures que j'avais pu voir sur ces inventions. Mon grand-père tenait à cette époque une bibliothèque. La voix inconnue, qui me renseignait sur ce spectacle insolite et réformateur quant à mes positions rétrogrades, me semblait juste. La fin de ces mots formait en moi un vide. Je ne comprenais pas ce sentiment, pour n'avoir jamais entendu de telles choses ni avoir connu l'être qui me parlait. Mais mon cœur appréciait ce discours et en ressentait un contentement. Entre chacune de ses interventions, son absence m'emplissait de torpeur et cet espace était alors envahi par d'horribles incitations à la violence et au désordre. Les avions continuaient leur balai aérien, les murs transparents et brillants de la tour jetaient des éclats dans le ciel où le soleil brillait en maître. Mon esprit était troublé, mes jambes restaient soudées dans le sol. En y regardant bien, j'apercevais autour d'elle la terre battue de ma maison. Une situation absurde et impossible où deux scènes, deux situations pourtant totalement différentes, se déroulaient au même instant, insérées l'une dans l'autre. Ma raison réclamait la vérité et la délivrance. Je me sentais prisonnier d'une aberration que je n'arrivais pas à maîtriser. Pourquoi des avions après une mort? Étais-je seulement vraiment mort? Ah, ma mort, ma souffrance, des souvenirs infatigables revenaient en moi. J'entendis tout à coup une voix éraillée m'interpellant. « Horreur ! Ma mère se retrouvait là, devant moi, au milieu de cet aéroport sans fondement. Son regard scrutateur s'introduisait dans mon âme. Elle m'appelait, tendant ses bras frêles et osseux. Ses haillons tombaient çà et là, au fur et à mesure de sa pénible marche. Ses cheveux défaits semblaient être humides. Des gouttes d'eau en tombaient qui, une fois au sol, se transformaient en taches de sang. » Derrière elle, je vis gisant sur le sol mon père. Il vivait encore, accrochant la terre avec ses doigts. J'étais paralysée. Mes jambes s'enfonçaient dans la terre, les avions et le ciel devenaient de moins en moins visibles. L'obscurité reprenait lentement de l'ampleur. Je voulus crier, mais rien ne semblait pouvoir arrêter cette scène. Puis je vis mon frère. Il était là à jouer à la balle. Sa silhouette se décrochait sur un décor aux sombres couleurs que l'on escamotait. Je me retrouvai à nouveau dans l'obscurité. C'est alors que résonna en moi la voix douce de cet ami certain. « Pourquoi cela ? » me dit-elle. « Tu ne sembles pas comprendre, petit frère, » reprit-elle. « Comprendre quoi ? » rajoutai-je. « Que ma mère est folle et qu'elle veut me tuer une deuxième fois ? Pourquoi a-t-elle décimé ma famille ? » ?»« Frère, calme-toi et écoute. Les souvenirs sont destructeurs lorsqu'ils ne sont pas tempérés par le pardon et la raison. » La vengeance t'a amené ici. Il ne faut pas que l'horreur te conduise au gibet du recommencement. Cette voix devenait pour moi de plus en plus incompréhensible. Sa logique me rebutait et ses conseils devenaient insolubles. Il m'appelait « frère ». Cela m'étonnait. Était-ce donc celui que j'avais perdu ? Non, tout ceci ne lui ressemblait pas. Et ce Dieu que mes parents m'enseignaient et qu'ils me demandaient de remercier avant chaque repas, où était-il et que faisait-il ? La voix me dit « Le temps et l'espace n'existent pas. Ta maison non plus, et 2 siècles après elle, à la même place, cet aéroport est construit. Réveille-toi, mon frère. Ton village et les tiens ne sont plus là où tu les situes. Tu erres depuis bien trop longtemps. Réveille-toi, reprends-toi. » Ces appels m'agaçaient et je m'en détournais. Je ne les comprenais pas ou ne voulais pas les comprendre. C'est ainsi que je refusais de l'écouter. En si peu de temps, vouloir ressentir cette présence, la supplier, puis la rejeter, voilà une triste représentation du caractère humain. Une situation que je ne contrôlais pas et qui allait être le théâtre de bien des tourments.